Il a mis la poudre à son pichelour. C'est pour cacher ses bonbons. Ah la tienne, tienne, ah la tienne, mon Dieu. Sans ce garde-fin, nous serions tous des frères. Ah la tienne, tienne, ah la tienne, mon Dieu. Sans ce garde-fin, nous serions tous heureux. Et roule ta bosse, ton père, et vas-y. Ouais, tu te fais le gorger si tu veux. Attends. Avec la maman, on a bien rigolé. On a su tellement vite, elle a tout dégueulé.